Vous n'allez pas ressortir pour aller dîner par cet affreux temps, je suppose. Non. Faites-moi un plaisir, alors, voulez-vous accepter de dîner avec moi? Je commence à avoir faim, moi aussi. Et ce sera la bonne franquette, j'ai pas l'intention de faire des pouesses. En ce cas, d'accord. Mais maman, je ne la connais même pas. Comme si c'était une raison pour que tu ne la désires pas.